pas son âge. La main dans ses cheveux, c'est ce qu'elle fait de mieux. L'océan du front de ses yeux bleus enchante, chante, chante les maris amoureux. Rosie surprend toujours les badauds qui savent qu'une beauté si pure est un don de Dieu. Oubliez ce corps si délicieux qui obsède et qui hante les esprits trop curieux. Mais qui est cette fille qui les rend malheureux? J'y pense encore et mouille mes yeux. Mais qui est cette fille qui les rend malheureux? J'en tremble encore un peu. Rosie me laisse sur son passage quand elle chante, chante, chante et met le feu. Thank you.